So, George has got his wallet back and also a fax. While he reads the fax, to make sure it's not urgent, Hélène checks up on the best way to get to an area to the south of Paris where many of the large exhibitions and trade fairs are held. Le parc des expositions à la porte de Versailles. The parc des expositions at the porte de Versailles. Notice how she asks how to get there. Pour aller au parc des expositions, s'il vous plaît. Another way she could have asked the same question is... Comment pouvons-nous aller au parc des expositions, s'il vous plaît? Now listen to these similar questions and repeat them. Comment pouvons-nous aller à la gare routière, s'il vous plaît? Comment pouvons-nous aller au théâtre, s'il vous plaît? Comment pouvons-nous aller aux Galeries Lafayette, s'il vous plaît?